obedeciéndole al rey de reyes. Nunca estos popeyes, seguiremos violando sus leyes, dando falla. Sigo rapeando por donde vaya, el pueblo no calla, aquella galla pa' la batalla. Dime, ¿cómo tú quieres que este país se mejore? Si ustedes están en complot con todos los secuestradores, sin relajo. Solo mediten porque me fajo, esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo. No, pa' los motorizados no existe socorro, como locos se la pasan multando a todos los carros. Le dan cana a aquel que esté tranquilo fumándose un porro y no se encargan del que está cometiendo actos bizarros. Por eso no queremos a la police. Seguiremos levantando el puño, police. Batallando firme en la lucha, police. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos. Ya, ya, la autoridad nos quiere controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siente la multitud del pueblo. Hey yo, listen to this shit, man. This is my beautiful black sister, Gabilonia. FPP 106.3, nous voilà de retour en direct. Et donc, je suis avec deux copains mexicains. Salut les gars. Salut. Donc, qui font partie du collectif Paris Ayotzinapa, avec qui on a eu l'occasion ces derniers jours d'organiser deux, trois petits trucs. Ce que je propose, c'est qu'on commence d'abord par rappeler un peu l'histoire d'Ayotzinapa, parce que tout le monde n'est pas nécessairement au courant. Qu'est-ce qui s'est passé, quand, comment et qu'est-ce que ça a impliqué? Oui, bonjour, je suis Claude du collectif Paris Ayotzinapa. Je pense que, brièvement, on va faire un petit contexte de ce qui s'est vraiment passé la nuit du 26 septembre de l'année dernière. Bon, la nuit du 26 septembre à Iguala, il y a eu la police mexicaine a kidnappé 43 étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa. Il faut savoir bien que pourquoi ce drame s'est produit, c'est très, très important de savoir le pourquoi. Non, ces jeunes étudiants étaient en train de faire une collecte de bus pour se rendre le 2 octobre à la ville du Mexique pour la commémoration d'une massacre. Évidemment, pour comprendre tout ça, il faut retourner brièvement dans le passé, dans l'histoire. Le 2 octobre 1968, il y a eu une grande massacre commise par le gouvernement qui a amené plein de militaires dans une cité jeune il y avait un grand rassemblement de jeunes dans ce moment-là, activistes contre le gouvernement et toutes les impunités de ce moment-là. Et puis, par ordre du président, l'armée mexicaine a fait feu. Alors, c'est une date très importante pour tous les Mexicains. Le 2 octobre, on dit qu'on ne l'oublie jamais. Et donc, c'est pour ça que c'est important de faire le contexte, parce que tous ces 43 étudiants normaliens, plus tous ces compagnons qui aujourd'hui sont en vie et qui étaient tous ensemble ce soir-là, étaient là pour prendre, emprunter des bus. Et puis, je sais que c'est un peu controversial, parce que beaucoup de gens disent qu'ils les volent et tout ça, mais non, il faut comprendre que ces gens sont des gens très démunis, qui n'ont pas de moyens, et que pour faire un simple déplacement, ils ont besoin de transport. Alors, vu qu'ils n'ont pas d'argent vraiment pour se déplacer, et sa cause et sa lutte est légitime et juste, eux, la seule chose qu'ils font, c'est aller emprunter des bus à des lignes commerciales. Ils les utilisent pour faire ces déplacements et après, ils les rendent. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'à l'heure qu'ils étaient en train d'emprunter les bus, il y a eu des groupes policiers qui se sont aperçus. Ils ont passé la voie et la voie est arrivée jusqu'au maire d'Iguala, de cette commune. Et puis, le maire a cru à ce moment-là que les normaliens allaient faire présence dans un meeting que son épouse était en train d'organiser à ce moment-là. Dans l'idée de le perturber, du coup. Et dans l'idée de la perturber, exactement, parce qu'elle, elle a des forts liens avec le groupe criminel narcotrafiquant Guerreros Unidos. Et puis, c'est déjà prouvé, elle s'assoit à la même table qu'eux. Alors, depuis longtemps, les Normaliens d'Ayotzinapa font la lutte sociale contre toute cette corruption, non, de partie du maire et son épouse. Alors, le maire a cru que ces jeunes étudiants allaient se rendre au meeting de son épouse pour foutre la pagaille, comme on dit. Puis, il a donné l'ordre d'aller les interrompre. Et puis, voilà, une chose a parti sur une autre. Et puis aujourd'hui, on a 43 étudiants qui sont portés disparus, qu'on ne les trouve pas. Et le plus dramatique, c'est que jusqu'à nos jours, le gouvernement, la seule chose qu'il a à nous dire, c'est qu'il faut tourner la page. Je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails de toute la soirée, comment ça s'est déroulé chronologiquement, mais il y a tellement de détails qui montrent que la version officielle que le gouvernement donne est complètement incrédule. On ne peut pas croire à toutes ces histoires. C'est très important de savoir qu'on dit que c'est un crime d'État, Ayotzinapa, parce que c'est la police qui était impliquée et les militaires aussi. Pourquoi les militaires ? La caserne militaire était à deux pâtés de maison où la fusillade a eu lieu durant des heures et des heures et en plusieurs reprises. Alors on ne peut pas dire que les militaires ne se sont même pas rendus compte ni aperçus qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Et on peut même rajouter que, enfin, c'est ce qu'on a vu dans un des documentaires qu'on a passé et dont on reparlera tout à l'heure, on peut même rajouter que la façon dont ils ont traité les gens qui étaient blessés à l'hôpital était assez abjecte et ça montrait assez clairement que... Bah, au moins, ils étaient au courant, ils n'étaient pas particulièrement pour essayer de faire quoi que ce soit. C'est exact, parce qu'il y avait une clinique pas loin des lieux du drame où les jeunes rescapés ont dû courir, s'échapper par tous leurs moyens. Ils sont arrivés à la clinique et, surprise, ils ne voulaient même pas leur laisser entrer. Ils avaient même des ordres parce qu'il y avait, voilà, un militaire dans la clinique. La clinique qui est même plus loin que la caserne des lieux, les lieux du drame. Comment ça se fait que les militaires n'étaient même pas là pour secourir des jeunes, mais ils étaient là encore plus loin à l'hôpital pour éviter qu'ils rentrent, pour prendre leur nom, leur papier, leur identité, pour les menacer. C'est quand même, je pense que si on ferait un exemple d'un cas pareil qui se déroule en France, je pense que ça serait vraiment un cas très polémique que passerait en rond dans tous les médias. Ouais, bah c'est vrai aussi pour le Mexique, hein. Je te rassure, on en pense autant. Et donc voilà, il y a 43 disparus, il y a eu 6 morts aussi. Le soir même. Il y a eu 6 morts, il y a eu 3 civils qui passaient par là, qui ont reçu des balles perdues, et 3 des jeunes normaliens qui ont été abattus. Il faut savoir que les ambulances et les secours n'ont pu se mettre sur place jusqu'à 6 heures après le drame. Les voisins de la commune sortaient de leur maison, ils voyaient des corps par terre, les bus pleins de balles, et il n'y avait pas un secouriste ni quelqu'un qui représente l'État pour venir voir qu'est-ce qui se passe et mettre un peu d'ordre. Alors donc voilà. Le lendemain aussi, il faut rajouter qu'une fois la nuit passée, le lendemain quand le soleil s'est levé, on a retrouvé un des étudiants perdu un peu dans la forêt, mort, et c'est important de recalquer qu'il n'avait vraiment pas le visage. On lui avait arraché tout le visage avec une découpe parfaite dont le gouvernement, la seule chose qu'il expliquait aussi pour ça, c'est que c'était à cause de la faune sauvage des bois qui lui avait arraché le visage d'une manière professionnelle. Ah ben les pumas sont doués au Mexique. Ah oui, voilà. On dirait que il y a une légende, on dit que c'est le chupacabras. Alors du coup, il y a eu ces événements et depuis, il s'est passé quand même pas mal de choses. Ils se sont organisés sur place déjà. Il y a une assemblée d'étudiants et de parents qui siègent à l'école d'Ayotzinapa depuis, ça fait combien de mois du coup? Ça fait 10 mois quasiment. Là, oui, ça va faire 10 mois bientôt, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les familles de tous ces paysans, c'est justement, je l'ai dit, c'est des paysans, c'est des gens qui travaillent la terre, qui ramènent la nourriture à nos tables. Et le gouvernement, la seule chose qu'il fait, c'est les réprimer de plus en plus. C'est des gens que La grande partie ne parle même pas l'espagnol, ils parlent des dialectes indigènes. On pourrait dire que c'est vraiment la racine de notre culture latino-américaine qui est là, quoi. Et le gouvernement, parce que ces gens-là n'ont pas une carte de crédit ou ne rentrent pas dans leur système capitaliste, bah leur seul moyen, c'est de les extorsionner et les disparaître. Donc ils se sont organisés effectivement, on a eu l'occasion, enfin on s'est nous aussi organisés en France et partout ailleurs en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, on s'est aussi organisé pour soulever un peu tout ce que ça représente comme problème politique au Mexique, politique, sociale, et pour faire parler aussi de cet événement qui est quand même quelque chose d'assez dingue. Alors, ça reste dans une réalité qui est assez commune, mine de rien, au Mexique, parce que j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est 160 000 morts et 26 000 disparus, ou l'inverse, je sais plus, depuis 2006. Oui, c'est bien ça. Il me semble, oui, depuis 2006, c'est bien ça. Et si on compte depuis les 9 dernières années, les disparus montent jusqu'à 43 000. Oui, d'accord. Et puis, il faut savoir aussi que, justement, les Normaliens, c'est des gens qui étudient pour devenir professeurs et pour aller dans des communes pauvres, dans des écoles rurales, pour apporter justement cette éducation que l'État ne fournit pas. Et comme ça, ces gens peuvent subsister en train d'apprendre à cultiver ses propres légumes, à étudier, apprendre à lire, apprendre l'espagnol, pour chaque fois pouvoir se développer mieux. Et puis évidemment, les pères de famille, depuis ce drame, la seule chose qu'ils font, c'est les chercher. Alors ils ont créé une assemblée à l'école d'Ayotzinapa, où ils se rassemblent toutes les semaines, tout le temps. De là, c'est le noyau de toute cette organisation. Ouais, et du coup, on en a reçu il y a quelques mois, on a reçu une délégation de trois personnes, donc un étudiant, un des rescapés de la soirée en question, un père de famille, un père d'étudiants disparus et un copain qui venait du Centre des droits de l'homme de Tlatinolan. On a pu à ce moment-là organiser des événements et essayer de faire de porter le discours de ce qui s'était passé, mais aussi faire un parallèle avec les violences policières ici aussi, puisque elles sont certes d'une intensité peut-être un peu moindre qu'au Mexique, mais la cause et les raisons des violences policières ici et là-bas, sont les mêmes. Et donc voilà, en tant que coordination de collectif en solidarité avec Ayotzinapa à Paris, on a pu organiser plusieurs événements depuis, et tout ça nous a amené jusqu'à la semaine dernière. Où Peña Nieto est venu rendre une petite visite à son nouveau copain Hollande pour le 14 juillet. Il était invité d'honneur, c'était une visite d'État. Donc c'est le plus haut niveau en termes de diplomatie, le plus haut niveau protocolaire en termes de diplomatie. Et il a passé, si je ne me trompe pas, je sais pas, six jours en France, entre Paris et Marseille. Donc c'était quoi Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu ce que c'était le cadre de cette visite, pourquoi il était là, qu'est-ce que ça jouait, qu'est-ce que ça impliquait? Oui. La visite, l'idée de cette visite, elle est venue un an plus tôt. François Hollande, il a rendu visite à Enrique Peña Nieto en avril 2014, avant tous ces faits tragiques qu'on vient d'évoquer. Et c'est à ce moment-là que un certain nombre d'accords ont été mis sur la table. Il s'agit d'une soixantaine d'accords qui traitent de plusieurs sujets, mais les sujets les plus importants, en tout cas pour nous les Mexicains, c'est des accords de coopération militaire et de coopération sécuritaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est des accords qui portent atteinte à notre sécurité, dans le sens où, pour nous les Mexicains, le régime en place est un régime corrompu jusqu'à la moelle. C'est un régime qui a des liens extrêmement étroits avec les narcotrafiquants et avec le crime organisé, à tel point qu'on peut parler du crime organisé, on va dire mafieux, et le crime organisé en partie politique. Donc c'est deux modes de crime organisé qui travaillent ensemble, en fait. Et le fait que le régime en place signe des accords sécuritaires et militaires avec la France, c'est très grave pour nous parce que déjà, le Mexique est une passoire en termes de vente d'armes illégales, en fait. Il y a énormément d'armes qui sont rentrées par la frontière des États-Unis et maintenant, avec ces accords-là, on va formaliser aussi l'importation d'armes de la France. Et pas seulement d'armes, aussi la coopération au niveau de la formation des polices. Donc là, on revient à la situation d'Ayotzinapa et de beaucoup d'autres massacres qui ont eu lieu récemment. On peut parler aussi du cas de Tlatlaya, où 22 personnes ont été massacrées par l'armée avec des exécutions extrajudiciaires. C'était à quel moment ça ? Ça, c'était en juin 2014. Tout récent. Un peu avant Ayotzinapa. 2014. C'était un peu avant Ayotzinapa. Mais on a mis 3 mois à découvrir que, en fait, ce jour-là, l'armée était sur place parce qu'on l'avait nié au départ. Et même le gouverneur de l'État où ça s'est passé a essayé de couvrir l'armée. Et c'est grâce à des aveux d'un témoin, une fille qui a réussi à s'échapper de ce massacre, qu'on a pu avoir la version réelle et que des journalistes ont pu vérifier les faits. Donc ça, c'est le cas de Tlatlaya. C'est un autre cas qui est très révélateur de la façon dont laquelle fonctionne l'armée mexicaine. C'est-à-dire c'est une armée qui pratique d'une façon systématique et généralisée la torture et la disparition forcée des personnes, et même les exécutions extrajudiciaires, comme c'est dans ce cas-là. Alors, excuse-moi, oui. Est-ce que tu peux développer cette idée de disparition forcée, parce que c'est pas un terme qu'on utilise oui, forcément. Alors, la disparition forcée, on l'utilise quand il y a un enlèvement, une séquestration, un kidnapping, mais qui est perpétré par des forces armées ou des forces de l'ordre. C'est l'État qui fait disparaître les gens. Le crime organisé, les kidnappeurs, ils enlèvent, ils kidnappent. Mais lorsqu'une personne, quelle que soit, est enlevée par une force de l'ordre de l'État, alors on parle de disparition forcée. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Ayotzinapa, c'est-à-dire à Iguala avec les étudiants d'Ayotzinapa. Donc voilà, ça pour l'histoire de disparition forcée, qui est une norme, une tendance très très forte en ce moment et qui participe d'une stratégie pour nous parfaitement orchestrée par l'État pour semer la terreur, parce qu'il s'agit de disparition forcée qui cible surtout des opposants et des activistes. Comme c'est le cas des étudiants d'Ayotzinapa, qui est une école qui a un long passé d'activisme et d'engagement avec les causes des plus pauvres au Mexique. Donc voilà, donc c'est très grave que ces accords soient signés, c'est très grave que François Hollande invite Peña Nieto et son armée, il faut le rappeler, il a fait venir aussi des éléments de l'armée, cette armée qui est mise en cause au Mexique. Et cette armée a défilé sur les Champs-Élysées, ce qui est scandaleux, étant donné le nombre effarant de procès qu'on lui a fait à cette armée dans les 10 dernières années, on va dire depuis 2006, que la soi-disant guerre contre le narcotrafic a commencé au Mexique et qui a fait ce nombre de morts absolument hallucinant. Ok, je propose qu'on fasse une toute petite pause et puis on reparle après, on repasse après sur le direct. Tenemos el poder de encontrar la salida, de construir unión, de buscar alternativas.

Paris está presente. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. Donc on est reparti sur la visite de Peña Nieto. On a bien compris qu'il y avait une violence d'État assez forte et assumée au niveau mexicain, mais, enfin, j'ai dit un mais, c'est pas forcément mais qu'il faut dire. Ça se repose pas mal sur des histoires de capitalisme, en fait, tout ça, et c'était une des raisons, donc, comme on le disait, de la visite de Peña Nieto. C'est 6 milliards de contrats d'armement, si j'ai bien compris, ce qui est projeté, pensé et prévu, dont des achats d'hélicoptères à destination des forces spéciales de la police, si je ne me trompe pas. Oui, absolument. 6 milliards, ça concerne que les hélicoptères, mais ça peut aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a d'autres contrats dans les tuyaux. Et l'ouverture de d'usines au Mexique, etc. Donc, quand on entend Laurent Fabius parler de accords qui vont dans le sens d'une coopération plus structurante, ce qui veut dire implanter des usines, des fabrications de cet équipement militaire au Mexique, ça fait froid dans le dos, étant donné la réputation de cette armée, de ce gouvernement crapuleux. Moi, je pense aussi c'est important pour comprendre cette coopération France-Mexique. Il faut retourner brièvement un petit peu dans le passé, dans l'histoire, et se rappeler du cas de Florence Cassé, que je pense que beaucoup vont pas avoir besoin que je fasse une grosse introduction, mais c'était la petite copine d'un narcotrafiquant que la police est arrivée un jour démanteler tout le réseau. Et puis on se rend compte, cette fois-ci, une fois de plus, comment c'est la manière du gouvernement de manipuler à chaque fois tout ce qui s'est vraiment passé et manipuler la vérité et faire allusion à de la torture pour arriver à avoir les aveux qui correspondent à la version officielle. Alors, dans ce moment-là, le gouvernement français et mexicain avait des grosses tensions parce que, on se rendait compte que tout le procès avait été manipulé. Et évidemment, on voulait en liberté des innocents. Alors, les deux gouvernements, évidemment, ils ont eu des grosses frictions durant beaucoup de temps. Mais à l'heure que le président Peña Nieto, il a pris le pouvoir, il a eu l'idée d'essayer de retisser ses liens avec la France, évidemment en regardant vers le futur pour ses possibilités d'accord commercial. Et puis, pour faire un geste de bonne foi, il a libéré Florence Cassé en essayant de retisser, comme je dis, tous ses liens. Cela a entraîné la visite d'État du président François Hollande au Mexique en avril dernier. À ce moment-là, on n'aurait pu pas imaginer les drames qui allaient se passer en septembre à Ayotzinapa. Mais aujourd'hui, on sait vraiment ce qui s'est passé. On a beaucoup d'informations. On a des légistes, des expertises qui se sont faites. Tout prouve qu'à chaque fois, toute la version officielle du gouvernement tombe à l'eau. Alors, on a tellement de preuves officielles, des preuves légitimes qui déprouvent tout ce que le gouvernement dit. Alors, c'est vraiment contradictoire, non ? Et puis l'importance ici, c'est qu'on sait déjà ce qui s'est passé. Alors, le président François Hollande, à l'heure de sa visite d'État au Mexique en avril, je sais qu'il ne savait pas tout ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, on le sait. Alors, je me demande pourquoi pas faire allusion un peu à sa pensée, réfléchir un peu deux fois quand on voit vraiment que le gouvernement mexicain, il est corrompu jusqu'à la moelle et que tout ce qui peut sortir de sa bouche peut être que pur mensonge. Ce qui est intéressant de voir, c'est que justement dans le cas de Florence Cassé, il y avait de la fabrication des coupables. C'est un grand classique de la façon dont laquelle fonctionne la justice au Mexique. Il n'y a pas d'enquête scientifique. On ne travaille pas comme ça au Mexique. Au Mexique, on fait les choses à l'envers. On essaye de trouver une version qui convient aux autorités. Et à ce moment-là, on trouve quelqu'un, un pauvre misérable, qui va porter ce témoignage, donc le torture. Et une fois que qu'on le fait avouer ce qu'on veut qu'il avoue, alors on construit une thèse officielle à partir de ces faits. C'est ce qui s'est passé avec Laurence Cassé. Il y a eu un vice de procédure et c'est pour ça qu'elle est rentrée en France. Et c'est très bien. Moi, je suis pour la présomption d'innocence. Mais dans le cas d'Ayotzinapa, il s'est avéré qu'ils ont fait exactement la même chose. Donc là, la France, elle dit rien. Dans le cas de Florence Cassé, évidemment, ça fait scandale en France. Et on le comprend. Mais il y a eu trois personnes qui ont été enlevées, qui ont été prises par la police pour les faire avouer qu'ils avaient participé à la disparition des étudiants. Donc c'est des choses qui ont été déjà enquêtées par les journalistes, évidemment, parce que la police ne fait pas ce travail-là. C'est les journalistes indépendants et courageux qui font ces recherches-là. Donc, à nouveau, on est face à un cas de fabrication de coupables et manipulation des faits pour faire passer une thèse officielle. Et donc, je vais reciter un truc qu'on a pu voir dans le documentaire parce que y avait plein d'éléments intéressants. D'ailleurs, le nom de ce documentaire, c'est Ayotzinapa, crime d'État, si je ne me trompe pas. Mmh. Dans ce documentaire qui a été tourné un peu plus d'un mois après le massacre d'Iguala, le réalisateur montre et explique qu'il y a une grosse tension diplomatique malgré tout entre vis-à-vis du Mexique. Il y a énormément de gens, de gouvernements qui ont réagi, l'Union Européenne, etc. Au jour d'aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est passé à la trappe. D'ailleurs, on voit bien que la diplomatie économique de la France est passée au-dessus d'une quelconque considération par rapport à ce qui s'était passé vis-à-vis de ces étudiants, de leur disparition, savoir où ils sont, etc. D'autant plus que le gouvernement mexicain a une version officielle qu'il a classé le cas, en fait. Enfin, il a dit, voilà, on a trouvé trois personnes, c'est elles, ils sont morts, vous les retrouverez jamais. Et donc, y a toute une espèce de pression diplomatique qui a complètement disparu. Et ce que nous disaient les copains mexicains qui sont venus dans le cadre de la tournée, c'est que maintenant, ce qu'ils attendent et ce qu'ils veulent, c'est créer des liens et des réseaux avec les gens en bas, clairement, ils n'attendaient pas grand-chose, je pense, des gouvernements, des institutions, même s'ils ont fait les démarches de le faire au cas où. Enfin, il y a notamment des parents qui cherchent leurs enfants et si ça pouvait être une solution pour eux, ils l'ont tenté. Mais maintenant, ce qui compte vraiment, c'est des solidarités en bas. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de porter, du coup, ces derniers jours. Ce qu'on avait déjà porté en plusieurs occasions auparavant. Mais donc, Peña Nieto restait quelques jours en France, s'est baladé un petit peu. Et nous, en parallèle, on a essayé d'organiser deux, trois trucs. Vous pouvez en dire un peu plus, du coup ? Oui, absolument. Enfin, ce que tu dis est vrai, mais il ne faut pas oublier que, bon, même malgré cette... disons que la France, elle agit un peu à contre-courant de la plupart de pays en ce moment. L'image du président mexicain et du gouvernement mexicain, elle est très, très affaiblie dans la presse étrangère. On n'a jamais vu ça, d'ailleurs. Il fait face à une des crises politiques les plus graves. Sa crédibilité est par terre. Il n'en a aucune. Sauf en France, voilà. Donc c'est assez curieux de remarquer ça. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement, d'un pays qui a participé, disons, au génocide de Rwanda? Donc c'est vrai qu'il faut plutôt partir par des liens avec les gens qui peuvent travailler côte à côte avec les gens qui soutiennent le mouvement d'Ayotzinapa et travailler avec les gens d'en bas et à gauche, quoi. C'est par là qu'il faut travailler, parce qu'on peut rien attendre des gouvernements. On peut les emmerder, on peut demander nos droits et tout ce qu'on veut, mais on sait très bien que c'est business as usual. Et là, en ce moment, avec le Mexique, la France veut faire des affaires de beaucoup, beaucoup d'argent. Il n'y a que ça qui compte. Et les droits humains, ça compte que pour du beurre. Une chose importante qu'il faut dire, c'est qu'en sachant déjà vraiment la situation réelle que la société civile mexicaine vit en permanence au quotidien au Mexique, en sachant tous ces enlèvements, toutes ces disparitions forcées, en sachant déjà tout ce contexte de torture et d'exécution extrajudiciaire, ben moi je peux dire, comme Mexicain, qu'on ne peut plus s'adresser à notre propre gouvernement pour demander ni justice ni des explications. Alors nous sommes dans l'obligeance de s'adresser à la communauté internationale et dans ce cas-là, à la communauté française pour demander un gros SOS. Et ce qui est dingue dans cette situation, c'est que vu qu'on ne peut plus s'adresser à notre gouvernement mexicain, ben, y a eu une démarche, une d'entre beaucoup. Y a eu une lettre qui a été écrite, il faut le dire, une lettre sérieuse où on stipule bien tout le CV, pour le dire comme ça, tout le CV criminel de Enrique Peña Nieto. Et dans cette lettre adressée à M. François Hollande, elle a été rédigée à peu près 2 mois avant cette visite d'État, au 14 juillet. Cette lettre était dans une plateforme change.org. C'était une pétition prête à signer. Il y a eu jusqu'à aujourd'hui plus de 6000 signataires avec des commentaires extraordinaires chacun. Et puis il faut savoir, c'est ça ce qui est incroyable, qu'il y a même une lettre rédigée, sérieuse, qui s'adresse au gouvernement, signée par des ONG, par Amnesty International, par des collectifs autour du monde. Et c'est complètement aberrant que le gouvernement français, ayant déjà toute cette notification, ne fasse rien. Moi, je sais bien qu'en avril, quand M. Hollande il est allé en visite d'État à Mexico, il ne savait pas ce qui allait se passer à Ayotzinapa. Mais aujourd'hui, on le sait, on le sait. Et on a des preuves qui condamnent ce gouvernement corrupt. Et on lui a fait adresser une lettre sérieuse, signée par plus de 6000 personnes. Il y a eu des manifestations, il y a eu beaucoup, vraiment beaucoup d'informations pour que le gouvernement français sache ce qui est en train de se passer au Mexique. Ils n'ont pas répondu à la lettre. Et moi, je ne comprends pas comment alors cette coopération continue à être aveugle. Franchement. J'ai envie de dire que en vrai, même si François Hollande il savait pas ce qui allait se passer à Ayotzinapa, il savait, enfin, il avait quand même moyen de savoir tout ce qui se passait avant, ce qui, enfin, même à Ayotzinapa, il y a eu 2 morts en 2012, 2 ou 3, je sais plus. La situation du Mexique depuis 2006, et voilà, tout le monde la connaît. Ils savent ce qui se passe au Mexique. Et malgré ça, voilà, ils préfèrent faire des affaires avec. Je pense qu'ils savent. Comme ça. Je pense qu'ils savent. S'ils savent pas, ils ont des services d'enseignement un peu foireux. Mais... Ce qui s'est passé à Ayotzinapa, c'est un peu comme la pointe de l'iceberg, non ? Et c'est une des premières fois où on a vraiment des vidéocaméras de surveillance et des téléphones portables où on prend en caméra les policiers. Alors c'est pour cette raison que Ayotzinapa a pris tellement d'ampleur internationale. Alors c'est pour ça, moi, je dis qu'après Ayotzinapa, comment ça se fait qu'ils peuvent continuer à coopérer comme ça ? Parce qu'on sait bien qu'auparavant, c'était pareil. Mais après Ayotzinapa, avec le boom médiatique international qui a causé, je ne comprends pas comment on peut inviter tel personnage pour le 14 juillet, pour la fête nationale de la République. On commémore les valeurs des droits de l'homme, de la République, de la démocratie. Inviter à tel personnage represseur, c'est complètement contradictoire. On célèbre les valeurs de la démocratie, c'est quand même très relatif parce que ça consiste surtout à faire défiler des centaines de militaires sur une grande avenue parisienne. Donc bon, on va pas débattre sur le symbole du 14 juillet, c'est pas le sujet. On fait une toute petite pause musicale et ensuite on discute un petit peu de ce qui s'est passé ces derniers jours. Allez, à tout de suite. Quizá ya te ocalitonal chocani y cuac panoniquita. Cual es iwi pilulcoya chocani tlatunat sin ti mel toca. Io no chocani, chocani, chocani ti wicatoya. Chitlapa cho modlil mantli chokani pampani mi kisin sawat. Hiyo no chokani, chokani, chokani tlapali wikat. Intlayet silti kulkani chokani pampani mi kisin sawat. que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Llorona, que sí, que no. La luz que me alumbraba, llorona, en tinieblas me dejó. La luz que me alumbraba, llorona, en tinieblas me dejó. Gracias. FPP 106.3, la jungle des luttes. Alors, reparlons de cette petite visite. Donc, il y a plusieurs choses qui se sont passées en parallèle de cette visite pour juste pas faire comme si c'était normal et que tout se passait bien dans le meilleur des mondes entre deux gouvernements parfaits et qu'on vendait des armes et tout était très bien. Donc, on peut le faire dans l'ordre éventuellement. Il y a une des premières choses qui s'est passée, à ma connaissance, sauf si j'en oublie, c'est des gens qui sont allés interrompre le Conseil de Paris, notamment pour Peña Nieto étant reçu officiellement par la maire de Paris au cours de son voyage. Donc, voilà, il y a une petite interpellation. Absolument, oui. Le collectif Paillaud Sinapa a adressé d'abord une lettre à la maire, à Anne Hidalgo, avec copie aux personnes concernées, dont sa mairie. Pour l'interroger sur quelle était sa position par rapport à la situation des droits de l'homme au Mexique et quels étaient les honneurs qu'elle comptait rendre à Peña Nieto. On n'a jamais eu de réponse par rapport à cette lettre. Alors, une des actions qui ont été mises en place, c'était d'aller voir un conseil de la ville de Paris. Et lors de ce conseil, voilà, on a appris qu'il y a eu des gens qui ont interpellé directement les conseillers lors du conseil de Paris, le plus récent, et qui c'était au début du mois de juillet. Ouais, je crois que c'était le 1 ou le 2. Ils ont interpellé les élus et ils ont jeté des tracts sur, dans la séance et ils ont crié des consignes. Notamment exprimant l'opposition à la visite de Peña Nieto. Donc, ils ont dit que voilà, que Peña Nieto était un criminel, qu'il trouvait ça honteux qu'il soit invité avec des honneurs pour être en l'hôte d'honneur de la fête nationale et faire défiler cette armée qui avait participé dans les massacres récents qu'on vient d'évoquer. Et il y a une vidéo un petit peu rigolote qui tourne d'ailleurs. Vous avez les gens qui étaient là-bas ont bien perturbé le Conseil de Paris, puisque tout le monde s'est mis à lire les tracts plutôt qu'à suivre ce qui, les débats qui étaient en train de... Oui, oui, ça a duré un tout petit peu, et puis les tracts ont circulé parmi les élus, ils se les passaient, et puis après, voilà, ça a duré une bonne dizaine de minutes, je pense. Et bon, ça a eu le mérite de poser la question que tout le monde au Conseil voulait éviter, c'est-à-dire parler de cette réception qui, parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que le gouvernement Hollande qui a participé de cette invitation, c'est aussi la ville de Paris qui a organisé un forum économique où Peña Nieto était l'invité d'honneur, et de ce point de vue là, bah, la ville de Paris participe aussi de toute cette mascarade qu'on dénonce. Il y a aussi autre chose qui est en cours. Bon, je saurais pas dire si c'est en lien direct, mais il y a une exposition à la Villette depuis quelques jours déjà. Donc, il y a quelques personnes qui sont allées tracter un petit peu aussi pour expliquer la situation, pour parler du vrai visage du Mexique qui n'est pas du tout celui qui est vendu dans ce truc-là. Oui, effectivement, il y a une exposition à la Villette sur le Mexique, une exposition où tout est beau, tout est couleur rose. On a des écrans tactiles, tout super sophistiqué, bien loin de la grande réalité mexicaine. On s'aperçoit bien que c'est une campagne faite, une exposition faite justement pour toucher des touristes, non ? Pour toucher le tourisme international en montrant qu'au Mexique, il n'y a rien qui se produit. On met des belles photos, une pyramide par-ci, un peu de flore par-là. Et on se rend compte en arrivant que tout est beau. Mais justement, il y a eu des groupes de gens qui ont voulu faire le contrepoids. Il y a eu le premier jour pour l'inauguration, il y a eu des gens qui ont allé se manifester, qui ont fait des performances avec des masques, des t-shirts blancs teints en rouge, comme si c'était du sang, et ils ont tracté en même temps. Il faut dire que le lendemain, il y a un groupe qui s'appelle On Brode pour la Paix. C'est un groupe de jeunes, il y a de tous les âges, des gens de tous les âges qui se réunissent depuis le drame du 26 septembre, les uns unis. Et ils ont comme but broder les noms et prénoms de tous les disparus au Mexique, de ces 43 000 disparus. Alors, comme vous imaginez, il y a un grand boulot derrière. C'était impressionnant voir tous ces gens en train de broder sur la pelouse à côté de l'exposition. Et puis on voyait bien tous les brodages qui étaient déjà finis. Ils étaient en exposition qui dévoilait tous les massacres. Il y avait Atenco, je ne vais pas répéter tous les crimes d'État qui sont dans la liste. Mais c'était vraiment beau et artistique à voir tous ces gens unis pour la cause. Certains de ces brodages étaient d'ailleurs exposés au cours du festival de documentaires qui a été organisé aussi. Donc sur trois soirs, l'idée était de projeter des films documentaires qui montraient la vraie réalité du Mexique, de ce qui s'y passait. Un festival anti-Peña Nieto, hein, c'était revendiqué comme ça. Plus largement, je pense qu'on aurait pu l'élargir à anti-État, anti-capitalisme, anti-plein de choses. Mais c'était l'idée du festival, c'était ça. Oui, oui, absolument. L'idée, ouais, c'était de marquer le coup que Peña Nieto était là et qu'on n'était pas d'accord avec cette invitation. Et aussi, c'était notre réponse à nous, à cette exposition qui, étant donné le moyen qu'ils ont mis là-dedans pour duper, parce qu'on ne peut pas le dire d'une autre façon, pour duper les pauvres touristes français qui vont aller au Mexique et qui vont peut-être croire que tout se passe super bien au Mexique. Et qui craignent rien. Nous, on a souhaité montrer la réalité, ce que vivent les gens dans la rue, quoi. Enfin, la vraie vie, quoi, des Mexicains, ce que nous, on doit endurer tous les jours, quoi. C'est-à-dire la situation dramatique de violation des droits de l'homme, les disparitions forcées, une situation de menace et de censure permanente du côté des journalistes qui exercent leur travail dans des conditions pas possibles. Il faut savoir que le Mexique, c'est un des pays les plus dangereux pour exercer le métier du journalisme. Ça, c'est RSF qui a fait des études très poussées là-dessus. Et voilà, il faut pas faire des études très poussées. On sait qu'il y a eu, dans les dernières années, plus de 100 journalistes qui ont été tués au Mexique. Donc nous, on voulait montrer par quatre films qu'on a présentés, dont deux films, un film qui était présenté en France pour la première fois, Ayotzinapa, chronique d'un crime d'État. C'est un film très, très récent, dont la première a eu lieu à Mexico seulement il y a moins de deux mois, d'ailleurs. Et on a pu avoir la première de ce film ici en France dans le cadre de ce festival au cinéma La Clé, et puis plus tard dans la cour du café de la commune d'Aligre. Et on a fait aussi une séance très intéressante avec trois autres films au CICP le 14 juillet. Et là, on a présenté un court-métrage qui s'appelle La lutte continue de Marie-Pia Rieblanc. Ensuite, on a présenté un autre film qui s'appelle Le crime de Zacarías Barrientos, qui évoque justement la période très mal connue en France de ce qu'on appelle au Mexique la guerre sale, pour se référer aux années 70 au Mexique, dans l'état de Guerrero, l'état où se trouve l'école normale rurale d'Ayotzinapa, et qui explique d'une façon très, très claire le contexte dans lequel ces faits se sont produits, pas seulement les faits récents de répression aux étudiants d'Ayotzinapa, mais aussi on comprend comment, dans les quatre dernières décennies, l'état de Guerrero est un état d'exception, et donc où c'est l'armée et le régime corrompu, politique corrompu, qui gouverne cet état, qui gère d'une façon complètement mafieuse les affaires publiques de cet état. Et enfin, on a terminé par une première à Paris, pas en France, parce que le film avait déjà été présenté à Marseille, d'un film extraordinaire qui s'appelle Portrait d'une recherche, Retratos de una búsqueda, film d'Alicia Calderón, et qui présente le côté intime, très poignant. C'est l'histoire des trois mères qui recherchent leurs enfants disparus pendant cette période dramatique où autant de personnes ont été disparues au Mexique à partir de 2006, avec la nommée guerre contre le narcotrafic, qui a fait des dégâts pratiquement dans chaque famille mexicaine à présent. Alors du coup, ça c'était le 14 juillet. Le 14 juillet, le grand jour pour cette visite de Peña Nieto, il y avait d'autres trucs qui se sont passés aussi. Il y a des gens qui ont répandu un peu de colorant alimentaire dans quelques fontaines de Paris pour coller des affiches pour faire le lien entre cette situation au Mexique et ces contrats de vente d'armes, pour dénoncer la violence qui peut exister au Mexique. Et donc voilà, quelques fontaines ensanglantées à Paris. Il y a une banderole qui a été laissée aussi juste à côté de l'hôtel de ville, qui est restée un petit moment. Il y avait un rassemblement l'après-midi aussi à la Fontaine des Innocents, où plusieurs gens sont venus protester contre cette venue de Peña Nieto, et il y a eu plusieurs prises de parole, notamment des prises de parole un peu intéressantes de Français qui étaient venus spécifiquement et qui expliquaient pourquoi est-ce qu'ils étaient révoltés par cette révolte. Et il y avait un autre événement un peu plus lié au défilé qui devait avoir lieu le matin, mais c'était un peu plus compliqué que prévu. Oui, effectivement. Pardon. On a pu constater effectivement que beaucoup de fontaines parisiennes, françaises, à Marseille, à Lyon, je ne vais pas dire la liste, les langues, mais il y a eu beaucoup de fontaines qui ont vu le lever du soleil taché en rouge, en faisant allusion au sang versé par tous ces innocents durant tous ces crimes dont on est en train de parler. C'était une action assez, je ne sais pas comment la décrire, choquante, mais je pense que c'était pas mal, moi, personnellement. Mais sinon, on a pu avoir contact avec un groupe de jeunes mexicains et européens. Il y en avait de toutes les nationalités. Ce groupe de jeunes qu'on a pu parler avec eux, ils nous ont bien expliqué qu'ils voulaient se présenter sur les champs. Ils se sont présentés depuis tôt le matin pour être en première rangée. Et ces jeunes, ils avaient prévu faire un petit performance, une manifestation, juste à l'heure où le président mexicain allait passer devant eux, ou soit l'armée mexicaine allait défiler devant eux. Et son action était consistée en des gants latex teints en rouge. Ils allaient les enfiler et lever les mains à l'heure que l'armée allait défiler devant eux pour crier Ayotzinapa justice ou quelque chose du genre. Mais eux, ils nous expliquent qu'ils ne savent pas comment, mais à un moment donné, ils ont été repérés. Et c'est la police française qui est venue les chercher. Ils les ont sortis du bloc où il y avait tous les gens. Ils les ont mis à l'écart. Ils les ont encerclés. Il y avait, ils nous disent, au moins 20 CRS. Et sans dire aucune raison, ils les ont embarqués. Ils ont demandé pourquoi. Et à la fin, c'était parce qu'ils étaient mexicains et ils allaient faire une action. Ils ont cherché. À la fin, ils ont trouvé dans une ou deux, trois personnes des gants. Et ils ont embarqué tout le monde, tout un groupe de Mexicains, dont il y en avait quelques-uns qui ne savaient même pas de l'action. Ils se sont vus avec. Ils ont pris tous les gens qui étaient Mexicains dans le même bloc. Ils les ont embarqués dans un bus. Ils les ont envoyés au commissariat. Et quand on a parlé avec eux pour savoir ce qui s'était passé dans le commissariat et savoir ces déclarations, à la fin, il n'y a eu même pas une déclaration. Ils ont dit leur nom, prénom, ils n'ont même pas fait signer rien du tout. Alors, ils ont été au commissariat pendant 5 heures, ce qui nous explique, parce qu'après, eux, ils ont cherché leurs droits et tout. Ils nous ont dit qu'apparemment, le maximum, c'est 4 heures de rétention. Alors, ça sort de toutes les normes. On pourrait dire qu'il y a même une complicité parce qu'on ne comprend pas comment, sans avoir effectué aucun acte ni avoir perturbé l'ordre public, tous ces gens-là ont été embarqués. Il y avait, je répète, des gens qui n'étaient même pas dans l'action, mais parce qu'ils étaient Mexicains, ils ont été pris avec ces gens-là. Ils n'avaient même pas des gants comme les autres. Et je pense que c'est vraiment injuste. Et ça fait même allusion un peu à la répression mexicaine. C'est une détention arbitraire, en fait. C'est une détention arbitraire. Il n'y a pas eu des coups. Ça, c'est ça, il faut le dire, non ? Il n'y a pas eu de violence, mais c'est arbitraire. Moi, je pense que tous ces gens-là, sans avoir occasionné aucun préjudice sur le défilé, sans avoir crié rien, sans avoir rien fait encore, parce qu'ils étaient prêts à faire quelque chose, mais c'est un peu arbitraire, les ramasser, les monter, les prendre. Au pire des cas, tu jettes les gants et tu dis « Allez les gars, foutez le camp ». Oui, mais surtout, c'est assez révélateur du degré de coopération qui peut exister entre la police française et éventuellement et la police mexicaine, l'ambassade mexicaine, etc., les services du protocole et tout ça. Donc ça fait froid dans le dos parce qu'on se dit « Si c'est ce type-là de coopération qui nous attend dans les années à venir entre la France et le Mexique, on a du souci à se faire. » Alors j'ai envie de dire, c'est pas pour nier le côté un petit peu impressionnant de la chose, mais c'est quand même une pratique de la police française qui existe depuis longtemps. Ils ont un outil magnifique pour ça, qui est effectivement la vérification d'identité, qui leur permet de te garder 4 heures sans justifier quoi que ce soit, notamment sur ce type d'événement. Enfin, normalement, ils doivent justifier une vérification d'identité, mais sur le parcours du 14 juillet, à mon avis, ils avaient toute l'attitude pour faire un peu ce qu'ils voulaient. Il y a quelque chose qui est. Faut bien préciser effectivement qu'il ne s'était rien passé encore, que ça a duré 5 heures, et que, comme tu disais, il y a des gens qui n'avaient rien à voir avec ça, qui avaient été embarqués aussi. Donc, y a effectivement, on peut le supposer, une coopération qui s'est faite entre les services de l'ambassade, policiers ou pas, les services policiers français et qui a amené ça. Après, on nous a raconté aussi qu'il y a eu des éléments de la police mexicaine qui ont même proposé de donner de l'argent à la police française pour qu'ils tapent sur les Mexicains qu'ils trouvent arbitrairement. Ça, c'est des choses qu'on a entendues. Voilà, on ne peut pas les prouver, bien sûr, mais ça ne m'étonnerait pas du tout que la police mexicaine fasse ce genre de proposition parce que c'est leur mode habituel de fonctionnement. On va peut-être arrêter là. Je vais vous libérer. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses en plus des trucs qu'on n'aurait pas dit, qui seraient importantes? Bah, seulement rajouter, non, cette déception de la communauté mexicaine qui habite en France et en Europe envers avis aux décisions prises par le président François Hollande. Je pense qu'on a vu bien une vidéo dans le moment où M. Hollande il fait allusion que cette visite d'État va tisser les liens comme jamais et unir les deux peuples. Moi, je suis désolé de dire ça, mais c'est complètement faux. M. Hollande, je pense qu'il continue sa coopération aveuglément et ne se rend pas compte que tout au loin de rapprocher les deux peuples, ça risque tout au contraire de les éloigner, parce qu'il y a une grande indignation dans le peuple mexicain, dans toute la communauté mexicaine habitant ici en France, qui est indignée par les décisions prises par le gouvernement français envers avis à notre gouvernement mexicain. J'ai envie de te dire que ça ne concerne pas que les Mexicains. Rajouter qu'on est plusieurs autres à être révoltés, même si pas étonnés. Je sais bien, la lutte est de tous. Et bah du coup, merci. Merci d'être venu et à bientôt, et revenez quand vous voulez. Merci. Merci à vous, et puis j'invite tous les auditeurs à suivre de près tout ce qui se passe au Mexique, et pas laisser baisser les bras, continuer à être solidaires, et puis suivre le collectif Paris Ayotzinapa en Facebook. Vous pourrez voir toute l'actualité en français de tout ce qui se passe, comme ça éviter qu'on soit dupé une fois de plus. Merci. Un peu de musique et on enchaîne ensuite avec Notre-Dame-des-Landes. Dame, dame, dame, dame todo el pan. FPP 106.3, la jungle des luttes, le programme mensuel du CSPCL. Alors, donc, on avait dit qu'on allait parler un petit peu de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et on a Camille de la ZAD qui doit être en ligne, tu m'entends ? Ouais, ouais, bonsoir à tout le monde. Salut, salut. Et donc voilà, l'idée c'était qu'il y avait eu quelques actualités dernièrement sur la ZAD entre le camp qui a lieu tous les ans, les rencontres inter-ZAD, le rendu du tribunal administratif aussi assez récent. Et donc toi, tu étais sur place en fait ? Bah oui, là effectivement, on a eu la rencontre annuelle organisée par la CIPA et nous on faisait une cantine sur ce rassemblement et ça a plutôt bien marché. Je sais pas précisément combien il y a de milliers de personnes qui sont venues, mais c'était bien rempli. Ouais. Ouais, c'est ce que j'avais lu. Ouais. Il y avait une bonne mobilisation pour le coup. Mm-hmm. Et ouais, bah plein de gens motivés. C'était moins orienté vers quelque chose de festif. C'était plus militant avec beaucoup de forums et de discussions. Et c'était plein, quoi. Voilà. Et puis sinon, effectivement, nous on a reçu les rencontres inter-ZAD. Donc là, il y avait à peu près 80 personnes qui ont participé. Et c'était assez riche. Enfin, je pense qu'on a pas mal de questionnements à se poser sur un peu ce mouvement qui est en train de naître et que il faut arriver à créer une sorte d'esprit avec certaines valeurs de base. Essayer de défendre collectivement, quoi. Autour de la ZAD, de l'occupation, de l'organisation collective, ce genre de choses. Ouais, voilà, ouais. Un peu créer un esprit à faire vivre partout, quoi. Certaines valeurs. Et donc ça demande beaucoup de discussions, parce qu'en fait, il se trouve que contrairement au Mexique, où il y a quand même encore toute une organisation communautaire qui date de millénaires, en fait. Où en fait ils peuvent s'appuyer sur des fonctionnements qui ont été rodés et puis qui ont même influé dans leur mentalité, dans leur comportement de tous les jours. Même si bon, c'est pas idéal, hein, parce que du coup je faisais partie d'une délégation là, qui est partie au Mexique pour le festival des résistances et des rébellions. Voilà, en fait nous on peut forcément on s'inspire on est un certain nombre à s'inspirer de la lutte qu'ont mené les zapatistes et toute la construction qui a eu lieu pendant 20 ans justement autour de comment développer. Alors ils n'hésitent pas à parler de démocratie qui vient de la base, quoi, qui vient du peuple, et où en fait leurs représentants qui gouvernent le bon gouvernement gouverne en obéissant au peuple. Donc nous effectivement on a un peu ces questions-là à se poser, c'est-à-dire comment s'auto-gouverner et comment arriver à développer ces techniques qui ont été quand même mises en place depuis plus de 15 ans avec les contre-sommets et les camps d'action, que ce soit Climat, No Border, Reclaim the Fields ou autres, où il y a toute une culture d'assemblée, de discussion. Alors c'est là où je voulais en venir, c'est que nous on est des communautés qui se reformons, parce qu'après un peu l'atomisation des communautés de vie dans les pays modernes, là il se trouve qu'on est des gens qui viennent de tous les horizons, que ce soit sociaux ou géographiques, hein. Il y a des gens d'un peu partout dans le monde qui au moins participent à la salle de Notre-Dame-des-Landes ou qui passent par là, et comment avec toutes les visions qu'on a chacun dans nos têtes, on arrive à se parler et à construire des choses ensemble. Donc ça demande effectivement de se parler beaucoup. On fait beaucoup de réunions. Après, c'est sûr que les gens qui sont... Il y a des gens qui sont plutôt contre la réunionnite et qui sont allergiques. Et que du coup, c'est pas, les messages passent pas forcément à tout le monde. C'est un peu des problèmes auxquels on est confronté. Alors il se trouve qu'il y a des potes qui utilisent plutôt le vecteur du hip-hop ou de l'expression chantée ou slamée ou tout ça pour que des choses sortent, et ça marche aussi. Nous on organise assez souvent des concerts ou des rassemblements. Là, on va accueillir le cyclocamp européen aussi. Donc, c'est un peu pour faire infuser cette culture de rassemblement, d'organisation collective et comment on est obligé de participer à différentes commissions pour prendre en charge la logistique matérielle et puis après les points plus spirituels, comment on lutte ensemble, comment on développe du respect pour différentes formes de toutes les formes de vision du monde et d'envie d'être et de mm-hmm. Voilà, c'est très large en fait. C'est vrai que on lutte sur plein de fronts en même temps et on essaye d'avancer sur beaucoup de choses en même temps, mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait tu disais que s'il fallait c'était réinventer des communautés, c'est réapprendre effectivement plein de choses. Mais la particularité des ZAD, c'est que c'est au quotidien. C'est que c'est de la vie quotidienne aussi, que c'est de la lutte, c'est de l'organisation constante, en fait. Ouais, c'est un peu ça qui est intéressant, parce que je pense qu'on est nombreux à... Ouais, pardon. Non, j'abondais dans ton sens, c'est tout. D'accord. On est assez nombreux à pu satisfaire de beaux discours et de blabla et de belles idées qui... Enfin, effectivement, c'est important de poser nos idées et puis de les diffuser. Mais après, il y a un moment aussi, il faut les mettre en application et voir ce dont on est capable ou pas et construire ça dans la réalité, quoi. Le but étant de dire on veut plus de ce système qui nous opprime et qui nous exploite, et comment on s'organise autrement pour proposer autre chose. Donc effectivement, c'est super ambitieux, mais en même temps on n'a plus trop le choix. Je pense que là, au 21e siècle, c'est vu la situation globale, c'est soit on se résigne et j'ai pas envie d'être catastrophiste, mais on va continuer vers l'exploitation humaine et la destruction des ressources, comme on peut le voir au Mexique, parce qu'en fait, nous, dans nos pays riches, on a exporté la misère et puis exporté l'exploitation des ressources naturel, mais en fait au Mexique il y a quand même plus de la moitié du pays qui est sous concession minière et du coup c'est des luttes de populations qui ont toujours vécu sur ces terres-là et cultivé et bu l'eau des sources et qui se retrouvent confrontées à des multinationales qui corrompent les partis politiques et les gens sur place et qui déstructurent les communautés justement. Donc effectivement on lutte contre des méga projets, mais on a encore la possibilité de le faire sans trop de danger, quoi. Effectivement, la répression a monté d'un cran là depuis qu'ils ont raté l'expulsion de la ZAD, mais du coup on a vu que le testé, il y a eu un jeune qui est mort et que de toute façon ça ne fait que monter la répression là depuis quelques années, parce qu'ils doivent protéger des intérêts tellement puissants que ils n'hésitent plus trop à montrer leur force. Trop, mais nous, on a encore la possibilité, justement, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on ait réussi à un peu miraculeusement à se rassembler avec tout un tas de composantes autour de la ZAD de Notre-Dame et de préserver ce lieu et d'en faire un lieu de rencontre, de lutte et de... d'essayer de développer ça. De toute façon, du coup, on voit et on s'y attendait que les derniers recours juridiques de toute façon, on sait très bien que, pareil, les pouvoirs judiciaires sont sous contrôle politique. D'autant plus sur ce rendu-là, parce que j'ai lu un article qui parlait des conclusions du... Alors, je ne sais plus exactement comment, dans les tribunaux administratifs, comment ça s'organise. Et en gros, il y a un rapporteur public et il y a des juges en plus. Et ils ont jugé sur le fait qu'en fait, on pouvait se considérer qu'on s'en foutait de la loi sur l'eau parce que c'est un intérêt économique majeur. En tout cas, il y avait un truc comme ça dans leur rendu qui est quand même parfaitement hallucinant. C'est En fait, effectivement, la loi Macron l'a aussi permis, on en reparlera tout à l'heure, permis de faire passer l'enfouissement des déchets nucléaires en utilisant des procédés complètement hallucinants au niveau de l'Assemblée. Quoi. Du coup, voilà, c'est clair et net que l'économique, c'est-à-dire les intérêts d'une minorité dans le monde, domine surtout et permettent de bafouer les lois environnementales. Donc là, il faut savoir que ils vont pas déplacer d'espèces, ils vont juste faire des déplacements expérimentaux de tritons crétés, et on n'est pas sûr que ça marche, il y a assez peu de chances que ça marche, mais il y a quand même 130 espèces protégées sur la ZAD qui était devenue une espèce de sanctuaire, parce que du coup le projet d'aéroport avait fait que ça avait protégé ce bocage-là pendant 40 ans, alors que partout ailleurs ça a été ravagé, quoi. Enfin pas partout ailleurs, mais dans beaucoup d'endroits, on est quand même sur une zone humide, et il y a des espèces qu'on trouve plus dans beaucoup d'endroits, avec les naturalistes en lutte. On fait 2 ans d'enquête de terrain et qu'ils ont été vraiment surpris de voir tout ce qu'ils ont trouvé sur place, quoi. Aussi parce que effectivement les animaux se sont réfugiés là, parce que tout autour l'agriculture les a chassés, quoi. Et les projets, les méga projets urbanistiques, les centres commerciaux, les routes, etc. Et pareil, la loi sur l'eau, c'est une zone humide qui est la tête de, je crois, 7 ou 9 bassins versants, et on s'en fout, quoi. Donc du coup ça peut tout à fait maintenant faire jurisprudence, on en a plus rien à foutre des lois environnementales, c'est l'économie qui prime. Mais alors ils le faisaient déjà, ils faisaient croire qu'il y avait des mesures compensatoires, mais en fait c'était du bidon, quoi. C'était tout à fait organisé, entre autres avec une entreprise Biotope qui faisait des études de terrain payées très cher et qui disait que finalement il n'y avait pas grand chose à protéger et qu'ils pouvaient faire le projet, quoi. Donc maintenant on a lutté contre ça, on m'a montré au moins une fois de plus, on a démontré que c'est une magouille qui est prête à aller très loin, et maintenant nous en tout cas en tant qu'occupants, on sait très bien à qui on a affaire, et on n'espérait pas énormément de recours juridiques. Ça a permis de gagner du temps effectivement et de faire qu'on s'organise plus, et qu'il fallait le faire, et que c'est bien qu'il y ait des gens qui luttent sur ces terrains-là aussi, et que voilà, on va pas. Oui, il y avait pas de. Enfin, tout est compatible, je pense, pour essayer de leur mettre des bâtons dans les roues, dans leur. D'ailleurs, on peut dire sur ce genre d'aspect de mettre des bâtons dans les roues que Biotope a renoncé, a renoncé à assurer ce truc-là et a juste rendu le contrat, je crois, non? Ouais, c'est ça, en fait. Du coup, il y a Biotope qui a renoncé, il y a plusieurs entreprises dans ce domaine-là qui ont renoncé, sachant que Biotope, c'est quand même la plus grosse entreprise, que c'est une très grosse boîte, en fait. Ils ont un gros chiffre d'affaires en faisant des fausses enquêtes de terrain comme ça pour les projets d'urbanisation. Du coup, il y a d'autres entreprises qui ont décliné l'offre et ils ont fait appel à je crois que c'est le CNRS à Angers, pour des étudiants, en fait, pour venir faire des stagiaires, en gros des expériences de terrain, quoi. Du coup on m'a fait savoir aux étudiants que eux aussi allaient être manipulés, que voilà, mieux pas qu'ils viennent, parce qu'on était encore sur le terrain et qu'on n'allait pas en partir, quoi. Donc effectivement là, les prochaines étapes, une fois de plus, ça fait 2 ans que ça dure depuis leurs expulsions ratées. Ils font croire qu'ils vont intervenir, mais pour le moment ils gagnent du temps et de toute façon, nous en tant qu'occupants, on a été le premier écran pendant la tentative d'expulsion. Ça permet à tous les potes de France et de Navarre et du monde entier de revenir nous soutenir si jamais il commence à se passer quelque chose. Et je pense qu'en 2 ans, depuis 2 ans, vraiment le soutien a vraiment augmenté. Il y a eu plus de 200 comités de soutien qui se sont créés dans toute la France, qui sont en état d'alerte plus ou moins. Et je pense que ben voilà, s'ils veulent aller à la confrontation, de toute façon, nous on est, il y a des gens présents, on est prêts à être confrontés à ce système depuis longtemps et de différentes façons. Donc après, il faut savoir qu'effectivement, ils sont très forts et ils sont très armés et ils n'hésitent plus à utiliser leurs flashballs et leurs grenades des encerclements ou offensives. Et à, du coup, à terroriser les gens sur le terrain et à essayer de les empêcher de s'approcher. Mais il faut savoir que à Notre-Dame-des-Landes, c'est pas comme au Testet. En fait, il y a quand même une symbiose qui s'est construite entre les occupants qui sont venus défendre une certaine conception de la lutte et les terres, et de cultiver ces terres et de s'organiser de façon de tendre vers une autonomie, et puis les agriculteurs plus conventionnels qui étaient sur place et qui ont aussi tout un réseau, enfin, les 520 tracteurs qu'on a occultés à la manif du 22 février 2013, et ben on a montré juste un peu de casse mais en fait il y avait quand même une énorme mobilisation paysanne, et que s'ils arrivent à nous mettre en prison, et ben il y aura quand même les agriculteurs à virer de leur terre, et je pense que là ils seront peut-être pas tout à fait compte de l'ampleur du moment auquel ils vont se confronter, quoi. Ouais. Je suis désolé, je vais être obligé de te couper parce que la machine va nous couper. Bon, d'accord. Bah, j'aurais bien aimé parler de Bure, en fait, du camp qu'on organise. Bah, vas-y, annonce. Du 1er au 10 août à Bure, dans la Meuse, où il y a un projet, un méga projet de centre d'enfouissement de déchets nucléaires. On organise un camp pour une occupation, une nouvelle occupation. Et du coup, c'est un camp à la base anticapitaliste, anti-autoritaire, du coup anti-nucléaire. Mais on va essayer d'aborder plein de sujets pour arriver à fonctionner ensemble, et puis renforcer la lutte locale avant tout, quoi. Donc il y a beaucoup de choses de prévues localement et beaucoup de discussions, et on espère que cette lutte va prendre aussi de l'ampleur, étant donné que le nucléaire ça concerne pas juste la France, qui a l'air de s'en foutre royalement, en fait. J'en profite pour dire que Ségolène Royal a retourné sa veste là-dessus, mais aussi tous les pays limitrophes et le monde entier, et du coup on espère que ça fasse une nouveau point de lutte international. Ouais, j'espère que la machine va pas couper, pas tout de suite, mais ça va pas tarder. 1er au 10 août. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage et puis pour l'annonce. Donc 1er au 10 août à Bure, lutte contre le centre d'enfouissement. Merci. Voilà. Merci à vous et bonne soirée. Ciao. seu sangue, que quer te balear como num bang bang. Para fomos escolhidos os guerreiros de Jah, viemos nesse mundo pra revolucionar. E cedo ou tarde, toda verdade virá. Nunca é tarde para a vontade de Jah. Cedo ou tarde, tudo se revelará. A verdade sempre prevalecerá. E a gente vai celebrar lá no sorriso do sol. Eu vou soltar o meu canto como um rouxinol. Todo mundo se diverte, esquece tudo que estressa. E balança no baile com o Thiago Poeta. Vem pra samba a noite inteira, não é por acaso. Mandando só pedrada, também tem Mr. Gasos. E a galera no estilo chega pra curtir. Lance o seu passinho, vem se divertir. Direita, esquerda, abre o um sorrisão na voz.